الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لقد كتب الله الفناء على الأنفس وأخبرنا برجوعها إليه يوم البعث والنشور يوم البعث والنشور وفي هذا اليوم يا عباد الله سينقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام الموت يا عباد الله لا يفوت أحدا ذكرا كان أم أنثى كبيرا كان أم صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وله منزلان منزلة في الجنة ومنزلة في النار هذه النار يا عباد الله هي التي أبكت الأنبياء والصالحون هي التي منعت هي التي أبكت الأنبياء والصالحين هي التي منعتهم من النوم منعت من النوم الخائفين من رب العالمين وناره الأليم لكن من يتأثر من ذكر النار والموت في هذه الأيام كما كان يتأثر الصحابة رضوان الله عليهم عند ذكرها وسبب ذلك الغفلة وقسوة القلوب بسبب الذنوب وزد على ذلك الجهل الكبير عن أوصاف النار وشدتها هذه النار يا عباد الله يا مخلوقة الآن وهي عظيمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها رواه مسلم هي خلق عظيم تتسع لجميع العصاة والزيادة ولعظمها هي ستقول يوم القيامة إذا قيل لها هل امتلأت كما قال سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد لعظمة النار قعرها بعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم سمعوا وجبة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الوجبة قلنا الله ورسوله قلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حجر رمي من شفير جهنم لا سبعون خريفا الآن وصل قهرعا. فالنار فأو قعرها بعيد. نعم هذه حجر يا عباد الله. فما ظنكم بمن سيرمى من شفير جهنم على رأسه والعياذ بالله؟ حرها شديد. قال الله سبحانه وتعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون لو كانوا يفقهون. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه ما يوقد بني ادم ما يوقد بني ادم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. الحديث رواه مسلم. وعنه ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في المسجد 100,000 لو كان في المسجد 100,000 أي رجل أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار لو كان في هذا المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الصحابة بعد الأنبياء والرسل يخاطبهم ويقول لهم لو كان في المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترقت المسجد ومن فيه. رواه البزار. هي سوداء مظلمة. أما سكانها يا عباد الله إذا دخل أهل الشقاوة النار لا يدخلون بأجسامهم التي كانت معهم في الدنيا بل يعظمون ليذوقوا العذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وعنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم درس الكافر مثل أحد. الحديث رواه مسلم. أما طعامهم يا عباد الله قال جل وعلا في كتاب الكريم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال سبحانه وتعالى وطعاما ذا غصة. قال ابن عباس رضي الله عنه هو شوك يبقى في الحلق إذا ابلعه الرجل لا يدخل في جوفه ولا يخرج منه والعياذ بالله. وقال تعالى إنها شجرة تخرج في أصل من أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. هذه الشجرة هي شجرة الزقوم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة لو أن قطرة من الزقوم سقطت على الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معائشهم فكيف بمن تكون له طعاما. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليهما. أما شرابهم شراب أهل النار إذا أصابهم عطش شديد سيطلبون ماء ولا أحد يستجيب لهم فيطلبون ماء من أهل الجنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: ومن ورائه جهنم، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذا الماء يا عباد الله مثل المهل يشوي الوجوه، كما قال سبحانه. أما لباسهم قال سبحانه: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال سبحانه: والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الآيات: سبحانه من خلق لأهل النار ثيابا من النار. الجهنم كلها النار، النار تحيط بأهلها ومع ذلك لهم ثياب من النار والعياذ بالله. قال سبحانه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ومن أعظم العذاب لأهل النار في جهنم أن الله سبحانه وتعالى سيترك الإجابة على أهل النار بعد أن أجابهم 4 مرات. قال سبحانه: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا سيجيبهم الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فماذا سيكون الجواب يا عباد الله؟ اخسؤوا فيها ولا تكلمون. رب العزة والجبروت يقول لأهل النار: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال الحسن رحمه الله تعالى: هذا آخر كلام أهل النار، هذا آخر كلام أهل النار، وليس بعد ذلك إلا الزفير والشهيق، فسيبكون أهل النار يبكون بكاء شديدا عن عبد الله بن قيس أن أهل النار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم. هذا مسير من عصى الله سبحانه وتعالى بالإشراك به ولم يصدق برسوله وتمرد على عصيانه. نعوذ بالله من النار. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى a écrit une fin pour chaque chose et nous a informé dans son livre que toute âme goûtera à la mort, puis vers lui se fera notre retour. Et ce jour-là, le jour de la résurrection, le jour où on se tiendra tous devant Allah subhanahu wa ta'ala, les gens se diviseront en deux. Un groupe entrera au paradis. Wa nas'alullah yaj'alana minhum, mais on demande à Allah qu'il nous joigne parmi les bienheureux. Et le deuxième groupe rentrera en enfer et on demande à Allah qu'il nous en préserve. Allah dit dans son livre, toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que se fera votre retour. Il nous dit dans un autre verset, tout ce qui est dessus est voué à la disparition, c'est-à-dire sur la terre. Tout ce qui est dessus fanera et voué à la perte, à la disparition, à la mort. Et il restera que le visage d'Allah. Il restera que le visage de ton Seigneur. La mort, chers frères, ne fait pas de différence entre les hommes et entre les femmes. Ne fait pas de différence entre la personne, entre les personnes âgées, ni les enfants. Elle n'épargne personne. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que telle personne devait mourir, l'ange de la mort vient lui récupérer son âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas une personne parmi vous sans qu'elle n'ait deux demeures. Une demeure au paradis et une autre en enfer. On t'a préparé deux demeures. Si tu fais des bonnes actions, tu finiras au paradis. Et dans le cas contraire, on craint pour toi l'enfer. Le feu de l'enfer, chers frères, c'est la chose qui a fait pleurer les prophètes. C'est la chose qui a fait pleurer les personnes les plus pieuses. C'est la chose qui a empêché de dormir les personnes qui ont eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de son châtiment. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de la mort et de l'enfer aux compagnons, ils avaient tous la tête baissée et leurs larmes coulaient. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on cite la mort ou l'enfer, peu sont ceux qui pleurent. Pourquoi, chers frères? Car les cœurs sont durs. Car les cœurs sont durs. Et la noirceur s'est installée dans nos cœurs de par les nombreux péchés commis et de par la grande désobéissance qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes distraits du jour vers lequel on reviendra vers Allah et où on sera jugé. Et une des plus grandes causes qui nous empêche de tirer profit du rappel sur la mort et sur l'enfer, c'est le peu de science que nous avons quant à la description de l'enfer. Sachez mes frères qu'Allah vous préserve de l'enfer, que l'enfer est créé au moment même où je vous parle. Et c'est une créature immense et énorme. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on amènera l'enfer le jour du jugement dernier. On amènera l'enfer le jour de la résurrection. Elle aura 70 000 chaînes. L'enfer aura 70 000 chaînes. Et à chacune de ces chaînes, il y aura 70 000 anges. Et ils la ramèneront. Et ils la ramèneront sur la place. L'enfer aura 70 000 chaînes. Et pour une seule de ces chaînes, il faudra 70 000 anges pour la traîner. C'est donc une créature immense. Et elle est tellement immense que le jour dernier, lorsqu'Allah ordonnera à ceux qui ont mérité l'enfer d'y entrer, et on demandera à l'enfer, est-ce que tu en as assez? Est-ce que tu es rempli? L'enfer répondra, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Tellement c'est une créature vaste et profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons. Ils ont entendu un gros bruit. Il leur a demandé, savez-vous ce qu'était ce bruit? Ils ont répondu, Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, cela est le bruit d'une pierre qui a été jetée du haut de l'enfer il y a 70 automnes. Il y a 70 ans, elle vient juste de toucher le fond. Elle vient juste de toucher le fond. Alors que pensez mes frères de ceux qui vont être jetés dans le feu de l'enfer, la tête la première, wal'iyadu billah. La chaleur de l'enfer est immense. Allah dit dans le Coran, dit le feu de l'enfer est bien plus ardent, si seulement il comprenait. Et Abu Huraira nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le feu que vous avez dans ce bas monde, le feu que vous utilisez dans vos affaires, n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Le feu de ce bas monde n'est qu'une partie de 70 parties du feu qu'il y a en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il a dit aux compagnons, qui sont les meilleurs des créatures après les prophètes, s'il y avait dans cette mosquée, une personne parmi les habitants de l'enfer, et qu'il y avait dans cette mosquée 100 000 hommes, 100 000 hommes ou plus encore, et que cette personne parmi eux, cette personne parmi les habitants du paradis, aurait respiré ou aurait expiré, elle aurait brûlé toute la mosquée. Elle aurait brûlé toute la mosquée, son souffle aurait brûlé toute la mosquée et tout ce qui s'y trouve. Une personne avec 100 000 hommes qui aurait respiré ou expiré, son souffle aurait brûlé toutes les personnes se trouvant à l'intérieur de la mosquée et tout ce qui se trouve dans cette mosquée. Donc le feu de l'enfer est très ardent. Il est noir et ténébreux. En ce qui concerne les habitants de l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'espace qu'il y aura entre les deux épaules du mécréant est semblable à la distance que parcourirait le cavalier en 3 jours. L'espace qui se trouve entre les deux épaules du mécréant en enfer est égal à la distance de 3 jours sur une monture. Donc les habitants de l'enfer seront énormes afin qu'ils subissent le châtiment et qu'il leur soit plus douloureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la dent du mécréant en enfer sera comme la montagne de Uhud. La dent du mécréant en enfer est semblable à la montagne de Uhud. Ce sont donc des êtres immenses afin de subir et de souffrir. En ce qui concerne leur nourriture, le prophète Allah nous dit dans le Coran: ils n'auront pour eux que des plantes épineuses. Que des plantes épineuses, ils ont à en manger. Et dans un autre verset, وَطَعَامًا ذَرُصَّةً, Ibn Abbas radiallahu anhu explique cela. Quelle est cette nourriture qu'auront les habitants de l'enfer? Il nous dit: c'est une épine qu'aura à avaler le mécréant. Et lorsqu'il la mettra dans sa bouche, elle ne traversera pas sa gorge. Elle restera plantée. Elle ne pourra pas descendre et ne pourra pas ressortir. Et au-dessus de cela, il aura à boire une eau bouillonnante. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en nous parlant d'un arbre qui s'appelle Az-Zakhoum, il nous dit: c'est un arbre qui sort de la base de l'enfer. Ses fruits sont semblables aux têtes des démons. Ils auront à en manger, c'est-à-dire les habitants de l'enfer mangeront de ce fruit-là, jusqu'à s'en remplir le ventre. À propos de ce fruit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si une goutte de ce fruit serait tombée sur la terre, cela aurait anéanti la vie des habitants de la terre. Une seule goutte. Alors que penser des gens qui auront à en manger en ce qui concerne leur boisson? En ce qui concerne ce qu'ils auront à boire et leur eau, sachez que les gens de l'enfer n'auront pas bu depuis leur mort. Et à la place du jugement dernier, ils n'auront pas bu et seront assoiffés. Ensuite, ils rentreront dans le feu de l'enfer et seront encore plus assoiffés. À ce moment-là, ils vont demander de l'eau. Ils vont demander à boire et personne ne leur répondra. Alors ils vont appeler les habitants du paradis. Et ils crieront, et ils diront, comme Allah dit dans le Coran, les gens du feu crieront aux gens du paradis: déversez sur nous de l'eau. Ou ce dont Allah vous a attribué, ils demanderont de l'eau. Et on leur répond ici, ils répondront: Allah les a interdits aux mécréants. Les gens du paradis vont répondre aux gens de l'enfer: cela a été interdit pour les mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: l'enfer est sa destination. Il sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petite gorgée. Mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui vient de toutes parts, mais il ne mourra pas. Il aura un châtiment terrible. Lorsqu'on va leur donner à boire de l'eau bouillonnante, ils vont essayer de la boire petit à petit. Mais même comme cela, à petite gorgée, ils n'arriveront pas à la boire. Mais ils seront forcés. Et lorsqu'ils vont boire cela, ça va leur brûler les lèvres. Ça va leur brûler les lèvres et la peau de leur visage tombera. Ensuite, la lèvre inférieure tombera jusqu'au nombril et la lèvre supérieure remontera à l'image de la tête du mouton lorsqu'on le brûle. Comme Allah subhanahu wa ta'ala décrit cela dans le Coran. Et cette eau-là sera à l'image du métal fondu comme Allah nous dit dans le Coran. En ce qui concerne leurs vêtements, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leur tunique sera de goudron et le feu couvrira leur visage. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ceux qui ont mécru, on leur façonnera des vêtements. On leur fera des vêtements de feu sur mesure. Ils auront des vêtements faits de feu. Subhanallah. Donc l'ensemble de l'enfer est composé de feu. Au-dessus d'eux, il y aura du feu. En dessous d'eux, il y aura du feu. À leur droite, du feu. À leur gauche, du feu. Ce qu'ils ont à voir, de l'eau bouillonnante. De l'eau bouillonnante. Et ajouta à tout cela que leurs vêtements, sur mesure, seront faits de feu. Seront faits de feu. Wal'iyadu billah. Et parmi les plus grands châtiments, le plus grand châtiment qu'aura à subir les habitants de l'enfer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur répondra plus en enfer. Ils vont parler, ils vont s'adresser 5 fois, et Allah leur répondra 4 fois. À la 5e fois, ils diront, ô Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer, et si on revient, c'est-à-dire, si on te redésobéit une 2e fois, alors nous serons vraiment parmi les injustes. Et à ce moment-là, Allah va leur répondre, soyez-y refoulés, humiliés, et ne me parlez plus. À ce moment-là, ils n'auront plus le droit de parler. On va leur sceller la bouche. Ils seront aveugles, sourds et muets. Et Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, nous dit, voici la dernière parole des habitants de l'enfer. Après cela, il ne restera que des gémissements. Ils vont gémir de souffrance, et des cris, et des aboiements, comme les chiens. Et ils vont pleurer, énormément. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens de l'enfer vont pleurer. Les gens de l'enfer vont pleurer. Ils vont tellement pleurer à un point où si on avait mis des bateaux, ils auraient pu voguer sur leurs larmes. Ils vont tellement pleurer que si on avait mis des bateaux, ils auraient pu voguer sur leurs larmes. Et ensuite, ils vont pleurer du sang. Ils n'auront plus de larmes et ils vont pleurer du sang. Voici une courte description de l'enfer. Des différentes sortes de châtiments qu'Allah a préparé à ceux qui lui ont désobéi. Alors, ô toi, qui adore autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, repends-toi et reviens à son unicité. Ô toi qui a délaissé la prière, ô toi qui a délaissé la mosquée, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère et préserve tes prières avec les musulmans à la mosquée. Ô toi qui a manqué de respect à tes parents, repends-toi d'un repentir sincère. Et on doit se repentir d'un repentir sincère de l'ensemble de nos péchés, afin d'éviter ce feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux habitants de l'enfer, wal'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui cherche protection près d'Allah contre l'enfer 7 fois, l'enfer répond, ou Allah na'am le préserve de l'enfer. Et dans un autre hadith, 3 fois, celui qui cherche protection auprès d'Allah, 3 fois contre l'enfer, l'enfer dit, Ya Allah, préserve-le de moi. Ya Allah, préserve-le de moi. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadad wa an yudkhilana al-jannah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوت رأس هذا بين المناكب والأقدام سد الخلل تم الصف الأول فالأول رأس الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم